Moi, je me déplace dans la vie comme une ombre dans la nuit, avec mon air déglingué. C'est juste si j'ose bouger. Alors toujours je rase les murs en râpant mes costumes. Et bien sûr c'est très laid, mais voici ma fortune. Yeah, quand je rentre chez toi, que je me sens bien. Oh ma Lucette, que je me sens bien. Et je retourne au boulot, ça sert qu'à me fatiguer. Mon chef ne comprend rien, je peux pas lui expliquer. À ce demeuré, qu'y a quand je rentre chez toi, que je me sens bien. Oh ma Lucette, que je me sens bien. Quand je rentre chez toi, que je me sens bien. Oh ma Lucette, que je me sens bien. Oh ma Ginette, que je me sens bien. Oh Louison, que je me sens bien. Marie Gertrude, que je me sens bien. Que je me sens bien. Que je me sens bien.